L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Cette année, la Lune nous en veut. Elle sera pleine lors de la nuit du 13 au 14 décembre, la nuit du maximum des Géminides. Mais qu'à cela ne tienne, vous pourrez quand même apercevoir des bolides malgré la pollution lunaire. Alors, quand voir les Géminides ? Alors, les dates, tout d'abord, deux nuits seront particulièrement propices pour apercevoir ces étoiles filantes. La nuit du 13 au 14 décembre et la suivante du 14 au 15 décembre. La pluie des étoiles filantes des Géminides est la pluie la plus intense, dépassant les plus connues Perséides. Le taux horaire classiquement attendu lorsque la Lune ne joue pas les troubles fêtes est de l'ordre de 120 par heure. Mais avec la luminosité lunaire, le chiffre devrait descendre aux alentours de 40 par heure. Mais ça fait quand même encore 2 tous les 3 minutes. Et surtout, les plus visibles du coup. Or, les Géminides sont connus, justement, pour leurs grains de poussière plutôt gros. Le nombre de bolides lors des Géminides est généralement plus important que lors des Perséides du mois d'août. D'ailleurs, le taux horaire ne cesse d'augmenter année après année. Alors, tout vous est donc permis. Rappelons que la pluie de météores des Géminides est très récente. Elle est observée seulement depuis 1833. On note une augmentation du phénomène atmosphérique chaque année, car l'effet gravitationnel de Jupiter perturbe le nuage de poussière qui est issu de l'astéroïde 3200 Phaéton, qui croise l'orbite terrestre de plus en plus frontalement. Alors, où regarder ? Cette pluie d'étoiles filantes a été nommée pluie des Géminides, car son radiant, le point d'où semblent provenir les météores sur la voûte céleste, se situe dans la constellation des Gémeaux, Gemini, tout près de l'étoile Castor. Cette constellation est facilement reconnaissable grâce notamment à sa proximité de la constellation d'Orion. Elle forme deux hommes qui se donnent la main, les deux Gémeaux de la mythologie, Castor et Pollux, dont les noms ont été donnés aux deux étoiles principales de la constellation et qui sont les étoiles figurant la tête de nos deux frères. Le radiant des Géminides, du 13 au 15 décembre, se trouve presque exactement à la position de Castor, c'est-à-dire la tête du jumeau le plus en haut dans le ciel. Bien que le radiant de cette pluie d'étoiles filantes soit la constellation des Gémeaux, il est déconseillé de regarder en direction des Gémeaux. Pour en attraper un maximum, il vous faudra scruter tout le ciel en évitant, bien sûr, le voisinage immédiat de la Lune, qui risque quand même de réduire la probabilité d'en apercevoir. Et comme cette Lune se trouvera justement très près des Gémeaux, à mi-chemin entre Orion et les Gémeaux, eh bien ça tombe presque bien. Bon, on se console comme on peut. Alors mon conseil, regardez toujours à l'est, c'est-à-dire à gauche, des Gémeaux, pour éviter au mieux la Lune. Donc en direction du nord-est en première partie de nuit et en direction du sud-est en deuxième partie de nuit. Observez toutes les constellations faciles à reconnaître qui se trouvent à l'est de celle des Gémeaux. Il y aura la Grande Ourse, qu'on ne présente plus, le Cocher, son hexagone caractéristique et son étoile très brillante, Capella, jusqu'à Persée vers le zénith, ou encore le Lion qui se lève en milieu de nuit. N'oubliez pas non plus d'acclimater vos yeux à l'obscurité durant une petite demi-heure, et pour ma part, j'éviterai même de croiser la Lune du regard, histoire de conserver une sensibilité maximale de mes bâtonnets. Comment observer un maximum d'étoiles filantes, que ce soit le 13 décembre ou le 14 décembre ? Alors comme vous l'avez compris, après les conditions météorologiques, l'ennemi numéro 2 est la lumière parasite, y compris la lumière de la Lune. Les météores peuvent parfois être très brillants, mais pour la plupart d'entre eux, ils sont tout de même assez faiblement lumineux. Il est donc indispensable de n'avoir aucune lumière artificielle à proximité de votre lieu d'observation, que ce soit des lumières d'habitation, des lampadaires, des voitures, etc., pour que votre œil puisse les distinguer, ces météores.